Bonjour, direct vendredi 11 mars 2023. Donc, qui va y avoir quelqu'un, si c'était possible, de me dire s'il y a du son, si c'est correct, parce que c'est arrivé une fois où il n'y avait pas de son. Donc, est-ce qu'il y a du son? Il y en a ici. Donc, bon, je vais attendre qu'il y ait des gens. Bonjour, Lindus. Bon, il y a du son, j'imagine. Donc, ça doit être correct. Vous savez que si c'était juste de moi, je me débarrasserais de ce chat-là. Hein? Il ne sera plus ici, ça fait longtemps. Mais bon, ce n'est pas toujours moi qui décide. Hein? C'est jamais moi-même. Donc, bon, tout est beau, OK. Bon, parfait. Il y a des choses dernièrement, là. Maudit que je vais finir par l'haïr. Hein? Un instant, là. Non, non, non, non, non, tu te couches là-bas. Non, non, non, non, non, non, non, là-bas. Non, non, non. Ah oui, couche. Couche-toi. Bonjour. Bon, ben dernièrement, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a M. Trudeau. Ben, M. Trudeau, c'est toujours déplaisant d'appeler ça monsieur. Non. Ah oui, couche là. Donc, bon, ce qui arrive, c'est que pour détourner l'attention de lui, ils se sont mis à se tourner contre des gens de la communauté chinoise, des gens ordinaires. Ça, j'avoue que j'ai trouvé ça épouvantable. Tous les médias, là, en même temps, se sont mis à accabler des gens de la communauté chinoise, puis à vouloir mettre des soupçons sur des associations de bienfaisance, entre autres. J'ai trouvé ça vraiment laid. Tout ça, pourquoi? Pour détourner l'attention de Trudeau. De Trudeau puis sa gang. Puis on sait que s'il y a de l'ingérence, c'est par de la corruption d'élus que ça passe, pas par des petits gens ordinaires nécessairement. Puis ils se sont mis à filmer des dépanneurs, c'est-à-dire des gens honnêtes. Puis non, non, non, non, non. Rappelez-vous au début du COVID, comment est-ce que ils chialaient que ça allait engendrer du racisme. Puis là, finalement, non, j'ai trouvé ça vraiment épouvantable. Il y a la mouche à marde de TVA, Alain Laforêt, qui ont envoyé filmer dans un centre communautaire qui est rien d'autre qu'une association de bienfaisance. Puis bon, j'ai trouvé ça vraiment horrible, j'ai trouvé ça dégueulasse, ça m'a vraiment mis en colère. Dans le fond, puis là, ils demandaient au public pour l'ingérence chinoise, là, ils donnaient un numéro de téléphone, puis de communiquer avec eux autres. L'ingérence était à Ottawa. Elle est à Québec, elle n'est pas dans des dépanneurs puis des associations de bienfaisance. Donc, à un moment donné, là, j'ai trouvé ça vraiment horrible, ça m'a mis en colère. Puis c'est ça que j'ai remarqué le plus cette semaine. Bon, ben, bonjour à tout le monde. Bonjour Robert. Oui, je suis de bonne heure ce matin. Bonjour Jean-Paul, Michel, Bianca, Daniel Ma, bonjour Monsieur Pinard, bonjour Corinne. Donc, bon matin. Bon, il y en a que c'est la première fois que je vois. Donc, c'est ça. Ces temps-ci, je suis d'une humeur plutôt bon. Hein, j'ai arrêté de fumer, ça fait une semaine à peu près. Je suis encore un petit peu en sevrage, je pense. Le plus gros effet, là. Donc, bon. C'est pas la première fois que j'arrête, mais bon, au moins c'est plus facile d'une fois à l'autre. Est-ce qu'il y avait des choses? Est-ce qu'il y a des choses que. Qu'est-ce que j'avais vu dernièrement? Ben, vous savez, là, c'est ce soir, là, on va avoir une nouvelle vidéo de Monsieur Glenn. Moi. Ouais. Mais l'atout semble avoir disparu. Quel tout? J'avais pas de toux, j'avais pas de toux. Ça fait longtemps là, que je n'ai pas eu de grippe même. Plusieurs années. Donc, Non, des fois, oui, je vais avoir ce qu'on pourrait appeler une toux du fumeur, mais c'était pour m'éclaircir la gorge, là. Plus souvent qu'autrement. Ah, bonjour, Chanyan. Donc, bon, je sais pas si vous avez vu ça, là, la dernière vidéo de Monsieur Eglin. Là, c'est vraiment parti sur la Vierge, la Sainte Vierge, les apparitions mariales, ces affaires-là. C'est devenu l'alternative. L'alternative. Mais bon, par rapport à ce qui est l'astral, puis comment ça fonctionne, lui, c'est clairement, moi, je le considère comme un agent de ça. Désolé, là. Puis de nous montrer une image de Bernadette Soubirous en disant, ah, oh, le corps de Bernadette Soubirous se décompose pas. Qu'est-ce que ça vient faire? En plus, en passant, bon, ben, moi, vers la fin des années 90, je me suis intéressé à ça, ces choses-là. Le corps de Bernadette Soubirous, le visage que vous voyez, c'est une reconstitution en cire, là. Ils disent pas, puis ils n'en parlent pas, mais vérifiez, c'est comme le Padre Pio, là. Lui, c'est un petit peu plus moderne. C'est un masque en silicone, peint. Parce que quand ils l'ont sorti, bon, ils ne l'ont pas montré tout de suite au public. Pourquoi? Parce que le visage était trop décomposé. Donc là, à un moment donné, c'est parce que c'est se battre contre du merveilleux, puis du merveilleux enfantin un peu, puis je deviens tanné, je deviens fatigué, tu sais, ces affaires-là, pourquoi. Bon, bonjour tout le monde, bonjour, bonjour Hélène. Je voulais savoir, s'il vous plaît, si tu connais Sandra Vimont, calisse, arrêtez de me parler d'elle. Oui, je la connais pas personnellement, mais je le sais c'est qui. OK? Que je viens de découvrir. Bon, ben, allez l'écouter, elle, puis achalez-moi plus. Non, je ne dis pas. Ah, et le supramental est-il bien représenté en France d'après toi? Il n'est pas représenté bien nulle part. Puis ça ne se représente pas de toute façon. Il y a une différence entre le phénomène social et le phénomène psychique. Ah. Vous savez, moi, je ne suis pas dans le supramental. J'en parle plus. C'est fini. Je me dissocie totalement. OK? Moi, je parle juste pour moi. Je parle juste pour moi. Fait que, j'ai pas rapport avec ce milieu-là. OK? J'ai rien savoir. Rien, rien, rien, rien savoir. Puis pourquoi je dis ça? Ben, continuez, puis vous allez finir par vous-même. Par vous-même comprendre pourquoi que ça me met en colère. Puis pourquoi que, comme elle, achalez-moi pas avec elle, là. Elle, là, son double, c'est son GPS et il dit où parquer son char. Puis elle, là, elle avait dit à ma conjointe que ça serait une passade, elle et moi, ça allait durer quelques semaines. Ça fait 6 ans de ça. OK? Puis il y a un paquet, un paquet, un paquet d'autres affaires. Fait que je ne veux même pas en entendre parler. Je ne veux même pas en parler. Je ne veux même pas en parler. Chris va venir enrager. Bonjour, Martin. Bonjour, Denis. Mental, oh, samedi dernier, vous avez dit que lorsqu'on finit par démasquer le mensonge cosmique, on tombe dans un autre mensonge. Pouvez-vous expliquer? Ben, il y en a tout le temps un autre. Si ce n'est pas le réel, ce n'est pas le réel, c'est tout. Puis le réel, on ne peut pas tomber dedans. Ça nous tombe dessus. Mais il n'y a plus de tombée, là. Mais là, on finit tout le temps par se faire avoir. On finit tout le temps. Il y a tout le temps quelque chose. Puis ça, c'est tant que, bon, on a une personnalité. Puis, hein, de toute façon, à moins d'être complètement. En connaissez-vous, vous, du monde éthéré, qui ont un corps éthérique, puis c'est tout? Bon, ben, c'est Fanny Watt, bonjour. Jean Saint-André, bonjour de Sherbrooke. Ah oui, Chanyan, bon matin. Mona, bon matin. Corinne, ouais, ben, Mona est patiente. Parce que des fois, je me dis, ben, c'est surprenant qu'elle ne soit pas choquée après moi, des fois. Ben. Corinne, Hersen, désolé, je suis depuis peu, je ne savais pas justement où tu te positionnais, du coup, maintenant, je suis désolé de t'avoir chalé avec ça. Ben oui, mais c'est parce que je l'ai dit souvent de pas trop. J'aime pas ce milieu-là, je vais être franc avec vous autres. Puis je l'ai dit souvent à David Lévesque parce qu'il me dit, trouves-tu que les gens qui sont dans le domaine de la conscience sont plus lucides que les autres? Puis j'y ai répondu plusieurs fois, c'est-à-dire, en tout cas, j'en ai parlé souvent. Je disais, à mes yeux, les gens en moyenne dans ce milieu-là sont moins dans le réel que les gens en moyenne. Pourquoi? Justement à cause de l'espèce de fascination pour le merveilleux. Que la fascination pour le merveilleux, la fascination pour les supports de toutes les sortes, là. Ils ne comprennent pas que au niveau de ces phénomènes-là, le support, c'est vous. Il y a un seul support. Donc, à un moment donné, on multiplie des techniques, on multiplie les supports, mais s'il est supposé avoir, comment je pourrais dire ça, une intégration, on est censé éliminer les supports plus le temps avance. À un moment donné, le jeu de tarot, il faut qu'il prenne le bord. Il faut, à un moment donné, vous êtes supposé vous débarrasser de ça, pas les accumuler. Mais à un moment donné, vous êtes supposé vous rendre compte que c'était juste un support, puis que c'est supposé devenir, en tout cas, on est supposé, avec le temps, brûler de l'ego. Ça veut dire, entre autres, un paquet d'affaires qui sont, vous allez finir par vous tanner. Donc, ah ben, de rien, les autres, 357. Bertolt, Supra-Bertolt, moi, même pas. Oui, je suis patient, je te trouve bien correct. Bon, ben, merci. Trouver du support dans notre propre vide, voilà. Ben oui, c'est parce qu'à un moment donné, on se rend compte à quel point on est naïf, à quel point on est naïf. Comme je vous parlais, là, comme Bernadette Soubirous, moi je vous le dis, c'est un masque en cire. Ils ne vont pas le dire. Pourquoi? Ben parce que c'est des simoniaques dans le sens que l'Église, ils courent après l'argent, ils ont tout le teinté de même. Bon, puis dans une fête foraine, ça prend des attractions. C'est comme le Padre Pio, c'est un masque en silicone peint. Vers la fin des années 90, je me suis intéressé à ça. Puis, il n'y a pas le phénomène. Savez-vous combien qu'il rapporte, lui, aux Capucins? Ils peuvent bien l'aimer. Mais l'affaire, c'est qu'il y a le même phénomène dans le bouddhisme aussi. Puis finalement, à force de m'intéresser à ces affaires-là, j'ai fini par complètement me désintéresser parce que j'ai vu, c'est des techniques, c'est tout est explicable, tout. Donc, puis je trouve ça morbide. Je trouve ça morbide. Puis à un moment donné, quand vous allez comprendre c'est quoi l'astral, vous allez autant être dédaigneux du haut que du bas que de ce qu'il y a dans le milieu. Parce que c'est de la crosse. Je veux dire, une arnaque, qu'elle soit faite par des entités d'un autre plan ou qu'elle soit faite par du monde sur Terre ou même des fois une collaboration inconsciente entre les deux, de l'arnaque, c'est de l'arnaque. Puis le but, c'est d'avoir votre énergie ou votre argent. C'est tout le temps de même, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Regardez, à un moment donné, on le reconnaît, l'astral. Pourquoi? Par comment je le reconnais, moi? Par sa bizarrerie. Puis un certain, ce qu'on pourrait appeler une vibration un peu malsaine, c'est pas beau, là. Ou bien, vous allez voir, il y a du monde, eux, ils tombent, ils sont fascinés, puis ils trouvent ça beau, mais plus vous allez, justement, ce qu'on pourrait dire, entrer dans le réel, plus vous allez avoir du dédain. L'autre, là, Thérèse Neumann, là, qui a le sein sort de la face, trouvez-vous ça beau? Hein? Est-ce que c'est beau? Trouvez-vous ça merveilleux? Puis moi, je trouve que ça ressemble à des films d'horreur. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Voyons, là. Puis, à un moment donné, je me suis intéressé à l'idéoplastie, certains phénomènes. Puis, aussi certains phénomènes comme la maladie mentale, puis certaines capacités psychiques. Puis ce qu'on appelle l'hyperhystérie. À un moment donné, on reconnaît. Donc, ce monde-là, ils font pitié. Ça fait pitié, là. En tout cas, moi aussi, je trouve l'astral toujours autour du. Ouais, mais il y a une bizarrerie. Il y a tout le temps une bizarrerie. C'est tout le temps. Ben, c'est ça. Puis à un moment donné, on sait tout de suite. On voit tout de suite. C'est pour ça que des affaires, comme il est arrivé à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, quelqu'un qui est réellement conscient, il n'embarque pas. Il le voit tout de suite. Juste la vibration du monde qui était là. On le voit, ils sont dans un état second. C'est de l'hypnose à un moment donné. Puis oui, il y a du paranormal qui est dépendamment à quel niveau de suggestion vous êtes, il peut se déclencher toutes sortes de phénomènes. C'est pas normal d'être fasciné par le paranormal. C'est pour se poser, là. Voyons, là. Il est rendu un moment qu'il nous devient impossible de vouloir tout comprendre, car ça devient une souffrance vouloir savoir. Même pas. Même pas. Dans le fond, le monde a peur de savoir. Ils veulent pas, au fond. Ils veulent croire. Ils veulent croire au merveilleux. Mais derrière le merveilleux, il y a tout le temps autre chose. Il y a tout le temps quelque chose. Puis à un moment donné, on vient, tous les phénomènes sont explicables. Mais pas explicable, je veux dire, une fois qu'on sait qu'il y a les plans, qu'on sait que oui, il y a des entités, il y a toutes sortes d'affaires. Mais à un moment donné, on la voit la crosse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas juste des crosseurs dans le visible, il y en a dans l'invisible. C'est ça, comment qu'il appelait ça Bernard, le cosmique. Cosmique. La religion ne m'impose plus ça. Doctrine, même chose pour la spiritualité. La seule chose que je mets mon énergie, c'est de nourrir juste les pensées intelligentes. Le reste, je m'en. Bon, c'est correct, ça. Écoutez, j'ai fait la thérapie de chien. Je ne sais pas c'est quoi. Pas fort sur les thérapies. Schizophrénie, psychotique, paranoïaque. Ah, oh, ouais. Je vous suggère de ne pas m'écouter. Puis, pas vous intéresser à ces choses-là. Pourquoi? Ben, parce que c'est pas sain. Dépendamment, c'est parce que c'est une question de sensibilité. Si vous avez vécu des épisodes psychotiques, ça veut dire que vous êtes très, très sensible à certaines choses. Donc, bon, ça peut être malsain, là. Ça peut être dangereux. Merci pour la justesse de tes propos. Ben, merci à vous. Je suis clinicien. Ah, vous êtes. Ah, OK, bon, je pensais que vous étiez. On nous maintient dans l'ignorance constamment. Ben oui, parce que c'est payant. C'est ça, là. C'est ça. Ben oui, le cosmique. Ben oui. Ah, je les soigne. Ah oui. Moi. Mais les psychotiques restent tout le temps avec une certaine fragilité. Puis... Mais je trouve ça étrange que vous vous intéressiez comme à quelqu'un comme moi. Parce que, bon, avec les choses que je dis, ça devient difficile de je veux dire, vous ne pourrez pas soigner. Hein? C'est pour ça que, bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est des gens déjà lucides. Les pieds très, très sur terre. Puis, dans le fond, depuis des années, j'essaie de tout faire pour que les gens cessent d'être fascinés par toutes ces choses-là, qu'ils se rendent compte à quel point c'est dangereux. Dès que quelqu'un est le moindrement fasciné par quelque chose, là, il s'auto-suggestionne, il tombe dans des états de transe très légers, puis ça peut s'accentuer, puis finalement, il finit dans un. Ça peut tomber dans un état onirique. La psychose, moi, je le vois vraiment comme un état onirique. C'est un peu des gens qui rêvent éveillés. C'est comme un rêve. Quand quelqu'un rêve, il ne se rend pas compte qu'il est en. La plupart du temps, il ne se rend pas compte que c'est un rêve. Puis même des choses qui n'ont aucun sens vont avoir l'air d'avoir du sens, puis il va croire que c'est réel. C'est un peu ça, une psychose, mais à l'état de veille. C'est comme un rêve. Puis c'est là qu'il y a l'astral. C'est-à-dire qu'il y a des forces qui semble avoir tout intérêt à nous vider de nos énergies. Entre autres, ça mène toujours vers la mort. Toujours. Puis je considère que c'est le même cas dans des cas d'hyperhystérie comme les pseudo-mystiques, justement, qui vont se mortifier au point de mourir à 36 ans, comme Sainte-Catherine de Sienne. C'est à un moment donné, c'est inacceptable. Je trouve ça épouvantable, vraiment, là. J'ai regardé les vidéos sur John Keel, ça m'a mis en colère. J'ai tellement investi dans ce monde par le passé. Quelle arnaque. Ben oui. Mais à un moment donné, on va se rendre compte que tout est arnaque, dans le sens que c'est un peu comme une jungle. Puis le but, c'est toujours, ça peut être votre argent ou même votre énergie vitale, carrément. Carrément. Puis ça fonctionne par la fascination. Je considère que ce qu'on considère comme l'état normal de tous les jours, au fond, c'est un état second. On est dans un état altéré, on ne sait pas. C'est pour ça l'intérêt, j'ai tellement parlé de déprogrammation, que l'éducation, c'était de la déformation. Puis pourquoi? Pour retourner à un état premier. Se dépolluer un peu. Parce qu'on s'en rend même pas compte. Juste comme, bon, ce matin, j'ouvre la télévision, je me dis, je vais regarder s'il y a des nouvelles. Puis j'ai refermé ça tout de suite. C'était rien que des conneries, c'est tout le temps comme ça. Donc, bon, je vais vous dire la vérité, astral, c'est l'inconscient. Ben, monsieur, j'ai dit la même chose il y a 6 ans. Il dit, c'est la même chose. C'est bien entendu que c'est la même chose, sauf que je n'ai pas une vision freudienne de ça. Mais oui, ça fait 8 ans là, que je parle. Au pire, vous pouvez écouter d'autres affaires. Non, c'est une pathologie de la perception. Ça va plus loin que ça. Mais moi, je ne m'adresse pas à des cliniciens, là. Et donc, je vous écoute comme BDM, etc. Il faut une nouvelle clinique. Là, je suis un petit peu sceptique. Je suis un petit peu sceptique. Même à un moment donné, il y a Charles Sabourin que lui, il expliquait qu'entre autres, il faisait de la consultation avec des schizophrènes puis des enfants. Puis là, j'étais pas content. C'est pas, non. Il n'y a pas d'ordre. Le problème, il n'y a pas d'ordre professionnel qui régit ce milieu-là. Puis si on se met à faire ça, il y a du monde peu recommandable qui vont se mettre à faire de la consultation puis à prétendre soigner des malades mentaux. Moi, ce dont je parle, c'est l'individu par rapport à lui-même. On va commencer par essayer de se dépolluer soi-même avant de... Bon. Puis en attendant, parce que c'est comme si la société n'est pas prête. C'est pas le temps. Si on fait ça, on va avoir juste des problèmes. Juste des problèmes. Il y a possiblement même des gens qui vont commencer à chialer qu'il y a une pratique illégale de la médecine, puis ils n'auront pas tort. C'est pour ça que je vous dis, c'est à faire attention, là. Mais bon, moi, je considère que ce n'est pas le temps. On n'a pas à prendre le supramental et à essayer d'amener ça dans le pas maintenant, là. Parce que c'est mal balisé, puis on est au début de l'étude de ces phénomènes-là. Je trouve ça un petit peu dangereux. Bien franchement. Bon, la clinique de sujet intégral, moi, bonjour à tous de France. Bonjour Thierry. Tu dis, par exemple, la psychologie évolutionnaire. Ouais, ça peut être intéressant pour l'individu. Mais là, de là, en faire une école, là. J'ai un petit peu de misère avec ça. C'est aussi la psychopathologie évolutionnaire. Ben, c'est involutif, la psychopathologie. Vous pourriez parler de psychothérapie évolutionnaire, mais la psychopathologie, c'est tout le temps involutif, c'est tout le temps involutionnaire. Donc, bon. Il y a un psychologue ici qui commence à intégrer une nouvelle approche psychologique avec le matos de BDM, un séminariste. BDM lui avait dit qu'il le ferait. Oui, je sais, je me rappelle plus son nom. Mais bien franchement, c'est parce que ça commence, hein? On est au début de l'étude de ces phénomènes-là. Puis bon, je ne sais pas si on peut déjà l'appliquer. Peut-être, oui. Mais il ne faudrait pas que ça devienne quelque chose comme la sophrologie est devenue, puis ces choses-là. Ça m'inquiète un petit peu. Puis bon, j'en ai des psychologues dans ma famille, puis bien franchement, je les considère comme des gnochons. Je m'excuse de dire ça comme ça. Ils sont vraiment allés se désinformer au niveau de leurs études. Donc, si on se met à. Si le monde dans le supramental, ils se mettent à vouloir faire le. Bon, ça pourrait créer des guerres d'école. J'ai de la misère avec ça. Un bon matin, Claudine. Moi, en tout cas, j'embarque pas là-dedans. Et ceux qui ont la. Si on pourrait dire le mandat de le faire, c'est correct. Mais moi, jamais j'oserais me prétendre Pour ça, je ne fais pas de consultation aussi. Hein? Pour l'instant, cette nouvelle clinique holistique intégrale. Là. Ma mère est décédée dernièrement. Depuis, ma sœur est tombée dans la spiritualité, étant donné qu'elle n'a pas de bonne structure psychologique. Je ne sais pas comment l'avertir. C'est une clé à me donner. L'affaire, c'est que souvent, les gens, c'est pour ça que je vous dis, c'est quand on est vulnérable. C'est des compensations, c'est des activités de compensation. C'est-à-dire comme souvent la personne va vivre des traumatismes dans l'enfance, puis plus tard, elle va tomber dans le merveilleux. Ou elle va subir un deuil. Ou souvent, il y a entre autres là-dedans de l'anxiété puis de l'angoisse qui est liée. Vous savez, les parents, quand on est enfant, on dépend des parents. On est vulnérable. Puis, quand un parent décède plus tard, on redevient vulnérable. Ça veut dire qu'il y a un blocage, il y a quelque chose qui n'est pas intégré, donc une forme d'immaturité psychologique et émotive. Donc, les gens, souvent, ils vont tomber dans des activités de compensation. Là, ils tombent dans le merveilleux, comme la spiritualité naïve, des choses comme ça. Donc, est-ce qu'il y a une clé? Ce que je peux vous dire, c'est que peut-être qu'elle en a besoin, votre sœur. C'est à elle, hein? C'est son expérience. Donc, il faut la respecter dans son expérience. Par contre, si elle vient vous achaler avec des affaires comme ça, ben là, faut que vous soyez respecté vous aussi. Mais des fois, on ne peut pas aider. On ne peut pas aider les autres. Il faut les laisser vivre leur expérience. Puis une fois qu'ils ont assez souffert, ils sortent par eux-mêmes. Il y en a d'autres, ils se mettent dans une boîte, puis bon, ça dure toute leur vie. On les enterre dedans après. Bonjour tout le monde, bonjour. Ah, Didier, par exemple, très simple, exemple de quoi, là? Moi, je me souviens pas, là, de ce que je disais avant. Donc, merci. Tu as vraiment visite dans le mille. Ben, c'est parce que c'est tous des phénomènes qu'on vit. Tout le monde vit ça. Le problème, c'est que au niveau d'avoir une objectivité, puis de se voir aller, puis de finir par intégrer sa propre expérience, puis de le voir. Là, c'est difficile. Mais une fois qu'on l'a vu chez soi, on comprend le phénomène à l'extérieur. Mais c'est vraiment une voie interne, si on peut dire. Puis après, on peut le voir. C'est pour ça que je suis toujours inquiet. Je suis toujours inquiet. Prenez les gens qui tombent dans le nouvel âge, qui tombent dans le merveilleux, puis il y a tout le temps un traumatisme dans l'enfance qui n'est pas réglé, quasiment tout le temps. Il y en avait une, là, aux États-Unis. Elle a fini. Complètement alcoolique, puis bon, j'ai un cas là, auquel je pense en particulier qui est devenu une gourou du nouvel âge là, sur Internet, puis finalement elle est morte de son alcoolisme. Puis si on peut dire, j'ai fait une sorte d'étude de cas, c'est-à-dire j'ai étudié, j'ai observé plusieurs vidéos qu'elle avait faites, puis c'est évident que cette femme-là avait été abusée enfant. Elle est devenue alcoolique, puis elle est tombée dans le nouvel âge, puis elle s'est mise à se prétendre être Dieu. C'est tout le temps les mêmes délires. Hein? Ils vont dire qu'ils sont la réincarnation de Jésus. Ils vont dire, bon, mais c'est des gens en souffrance. Puis ils vont devenir, vous savez, c'est comme un prédateur qui va devenir abuseur. Quelqu'un qui est abusé, il va devenir abuseur. Après, ces gens-là, ben, ils vont être des prédateurs de d'autres gens vulnérables. Parce que leur problème à eux n'est pas réglé, fait qu'ils revirent ça de bord. C'est une façon qu'ils ont de survivre. C'est tout le temps lié à de l'argent. Donc, bon. Eckhart Tolle, qu'en penses-tu? Rien. Maître Eckhart, rien. Je suis pas fort, moi, sur les maîtres. Vraiment pas. C'est comme Michael Ivanov, là, puis la Fraternité Blanche, puis ces affaires-là. Je vais être franc avec vous, j'ai une allergie puis un dédain immédiat. Ce qui est important, là, c'est les choses réellement importantes qu'il faut tout le temps regarder en premier. Est-ce que ça va bien au niveau des finances? Est-ce que ça va bien au niveau de l'alimentation? Est-ce que c'est des choses comme ça qui sont importantes? Êtes-vous capable de travailler de vos mains, d'être habile? Si vous perdez un bouton sur un habit, êtes-vous capable de le recoudre vous-même? Êtes-vous capable de repasser convenablement vos vêtements? Êtes-vous capable de laver un plancher comme il faut? C'est ça, là. Bon, il faut commencer par ça. Le reste, là. Moi, c'est des activités comme ça que j'aime. C'est pas. Ça m'a pris des années. Des années. Comment le soigner sur les trois plans en même temps? Il y a plus que trois plans, là. Mais bon, ben, faut commencer par celui qui est un terminal. L'individu est multidimensionnel. Si vous soignez l'individu comme un tout, le reste va aller de soi. Hein? L'affaire, c'est qu'on essaye de fragmenter même les soins. Ça donne quoi d'aller essayer de soigner sur un plan si le terminal, c'est dans le terminal qu'il faut agir? C'est là qu'il y a la multidimensionnalité, donc dans le plan matériel. C'est ce qui est le plus terre à terre. Donc, moi, je le vois comme ça. C'est pour ça que parmi les gens qui ont eu les plus grands succès, par exemple, avec les schizophrènes, tous, c'est des gens qui avaient des petites fermes expérimentales, qui faisaient travailler sur la ferme. Puis, juste la personne en accomplissant une tâche, elle va se valoriser, ça la force à être dans son corps, à être incarnée pour vrai. Là, maintenant, là, maintenant. Le reste, c'est de l'à côté, là. Mais le plus important, c'est tout le temps ramener la personne dans le réel, à sa réalité. C'est tout. Les gens sont pas encore aptes à gérer eux-mêmes intérieurement leurs émotions. Du coup, ils cherchent à l'extérieur. C'est ça. C'est des mécanismes de projection. L'homme se nourrit pas que de pain. Moi, oui. Ben oui. Le reste, pour ça, je vous dis, moi, j'ai une allergie à tout le reste. J'en veux pas de patente spirituelle, ça m'intéresse pas. J'en ai plus de spiritualité, ça fait des années que je m'en porte que mieux. Donc, bon. Non, moi, c'est j'observe. J'observe la spiritualité, mais c'est toujours extérieur. Toujours. En tout cas, deux priorités, la santé et finance. Le reste comme amour. Moi, ouais, c'est ça. Ben oui. Souvent, c'est comme, c'est quoi, c'est Bernard, il dit, ben, le monde, il place la sociale en premier, puis la finance en deuxième, puis la santé en dernier. Il dit, à un moment donné, ils vont revirer ça de bord, ils vont mettre leur santé en premier, ou bien la finance en premier. Mais le problème, c'est que on ne peut pas hiérarchiser ça va tout de soi. Comme si au niveau social, on ne priorise pas ça va être dur d'aller bien au niveau financier. Je veux dire, c'est un support social, entre autres. Donc, justement, il faut une clinique multidimensionnelle. Ouais, mais je reste sceptique pareil. Dans le sens où vous allez avoir des problèmes avec les cliniciens officiels. Mais ça, si vous avez le mandat de faire ça, faites-le. Mais moi, je n'oserais pas. On a tout à l'intérieur de nous, c'est qu'on n'a pas conscience. J'ai suivi des formations pour faire des soins et maintenant, je n'en fais plus car tout est en nous et à chacun sa programmation. Voilà. Ouais, mais d'un autre côté, la programmation, des fois, faut la faire sauter. Il y en a qui ont des programmations de merde. Le monde, il pense que c'est pas comme ce qu'on appelle le destin. On a spiritualisé ça, on a appelé ça le destin, mais c'est pas catégorique, là. Je veux dire, c'est pas fataliste, c'est pas. Il y en a, ils vont rester dans leurs addictions en disant, ben, c'est ma programmation. J'ai vu ça. Il y a moyen de faire sauter des programmations. Ça devrait être ça, au fond, de la psychothérapie, entre autres. Hein? Parce que c'est quoi? Devenir une conscience intégrale. C'est devenir, à un moment donné, on devient son propre programmateur. La conscience, ce n'est pas de la programmation, c'est une métaprogrammation, la conscience. À un moment donné, ça va prendre une métaconscience, c'est-à-dire avoir une conscience de votre conscience. Ça, ça devient. Ouais, c'est rendu. Bonjour, Jacinthe. Didier, il se nourrit de l'esprit. Ben non, mais là, on va commencer par se nourrir. Hein? Parce que là, le contact avec l'esprit, là, moi, je veux pas, on commencera pas par ça. C'est pas ça la base. Prenez le curé d'Ars qui était maigre comme un vieux chicot, là. Ça en est ça une programmation abominable. C'est abominable. Il se nourrissait d'esprit, ben oui. Y avez-vous vu l'allure? Ce monde-là, là, qui se nourrissent d'esprit, puis qui refoulent leur libido, entre autres. Puis bon, après, il y a des manifestations de poltergeist autour, puis ils pensent que c'est le démon. L'astral est très, très rusé. Très, très rusé. Mais c'est abominable des initiations astrales comme ça. C'est jamais bon signe, ça. En tout cas. Bonjour, les gens qui sont addicts au crack trouvent dans des fermes, au crack, dans des fermes associatives, un moyen de sortir de leur milieu de délinquance, contact avec la nature, les animaux, un groupe type familial. Voilà. C'est ce qu'il y a de plus sain. Vraiment. C'est pour ça que j'aime beaucoup jardiner, puis prendre soin de mes plantes. Puis c'est devenu dans les seules choses que j'aime. J'en ai pas d'autres activités qui m'apporte réellement de la joie. Parce que, à un moment donné, on finit, on élimine. J'ai plus de plaisir à écouter de musique, je suis plus capable. J'ai plus de plaisir à écouter des films, la fiction, je suis plus capable. Bon. Puis à un moment donné, il me reste juste ça. Puis, à un moment donné, on élimine tout ce qui est le moindrement. Puis on finit que on retourne à des fondamentaux. Mais c'est pas le retour à la terre des hippies, là, ça n'a rien à voir. C'est plus simple que ça. Devenir son propre programmateur. Ben oui. Ça allait la psychothérapie, se libérer de la programmation. Ben oui, mais ça devrait être le but de toute psychothérapie. Une pathologie, c'est tout le temps un programme. Une maladie, entre autres, c'est on a un bug. Si on peut dire. Homme, égo, esprit. Comment situer la conscience? Ouais, ben, l'âme, c'est un peu comme votre mémoire expérimentale. L'ego, c'est un peu comme une lentille au niveau de l'expérimental. Puis l'esprit, c'est le principe d'intelligence qu'il y a en vous, puis qui est au-delà de l'intellect. Donc, la conscience, c'est le phénomène qui va se manifester au sens demandant à votre incarnation par rapport à votre lentille. Fait que, bon, c'est-à-dire l'intelligence va s'individuer. Le principe de l'esprit s'individualise à travers la lentille qui est l'ego, un peu comme une loupe sur un soleil qui fait un petit point lumineux. Puis l'expérience, votre expérimental va s'enregistrer en tant que mémoire dans ce qu'on appelle l'âme, qui va devenir votre mémoire incarnationnelle. C'est pas des choses compliquées, là. Un qui a bien parlé de ça, puis que c'est intéressant, il y a entre autres Krishnamurti, mais il n'y en a pas bien qui ont de l'allure. Ben franchement, comme les affaires à Ivanov, puis les colonels Olcott, puis ces affaires-là, moi, tant qu'à moi, c'est je vais rester gentil, là, mais c'est ce compliqué la vie, là. Vous êtes supposé aller tout le temps voir de plus en plus simple, de plus en plus clair. Ça va être d'une éloquence, d'une clarté, ça va être simple. Le réel, même un enfant peut le comprendre. Pas besoin d'être un grand universitaire ou d'avoir étudié des affaires à pu finir. Si nous avons de la misère à vivre et à gérer le quotidien, pour moi, le contact avec l'esprit devient un échappatoire. Encore une fois, oui, puis ça risque de ne pas être ça. Ça va être un contact avec de l'astral que vous prenez pour de l'esprit. Salutations à tous. Bonjour, Miss Main. Didier. Oui, la science du réel. Disons que l'esprit peut nourrir le réel. Ce que disait le Christ. Je ne dis pas que c'est vrai. L'affaire nourrir le réel. Le réel n'a pas à être nourri. Tout est là. Tout est déjà là. C'est nous, on se nourrit des réels. Puis on perd de vue. Il y a beaucoup de choses que je savais quand j'avais 3 ou 4 ans. Puis au niveau de mon expérience, mon éducation, j'ai cessé de le. Je me suis fait déformer par l'expérimental. Puis ça a pris des années pour me dépolluer puis me rendre compte que je l'avais toujours su. Il y a des choses que je savais qui m'ont été confisquées par l'éducation, une mauvaise éducation. Donc, bon, on dit que la pensée est créatrice, et là, ouais, des nuances à apporter. Mais puisque la pensée ne vient pas de nous, Comment est-il possible de l'influencer? Là, ça devient plus complexe. On est influencé par la pensée. Mais la pensée créatrice, ça dépend. Ça dépend. L'affaire, c'est qu'à un moment donné, vous allez voir. C'est pour ça l'observation, l'importance de l'observation, puis d'être le plus objectif possible, vous allez le voir. Le réel, ça ne se passe pas, ça se voit. Ça se constate, ça vous saute dans le visage. Donc, la pensée, à un moment donné, on finit, on la voit comme une nuisance. Là, il y en a des fois, le pire, c'est qu'il y a certaines doctrines que je trouve discutables qui disent de moins penser. Mais ça dépend, il faut avoir construit une certaine objectivité pour s'être dépollué avant de pouvoir s'en passer un petit peu. Puis là, vous allez voir. Ça va être de plus en plus rapide. Mais prenez comme la scientologie, là. Wow. Eux autres, c'est pour d'autres raisons qu'ils disent au monde de moins penser. Pourquoi? Pour abolir le sens critique. Ça en prend du sens critique. C'est juste qu'au niveau de l'observation, mais d'une vue, il va être automatique. Donc, il y a pensé, puis il y a pensé. J'ai fait des audios sur la pensée. Je pense que j'avais tout dit dedans. Se libérer du connu. Moi, ben, c'est parce que le réel, c'est de l'inconnu. C'est se mettre les pieds dans le vide, hein? Être en intégration de conscience, pas en expansion de conscience, c'est comme avancer dans le noir, puis le sol apparaît à mesure que vous mettez le pied dans le vide. C'est pour ça le problème de la peur, la crainte. On a peur. C'est pour ça que je vous dis, les gens qui ont eu des traumatismes dans l'enfance, ou qui sont vulnérables à cause de leur émotivité, puis ils vont se construire de l'irréel. Ils vont essayer de se construire un plancher à mesure avant d'avancer. C'est un peu ça les motivateurs pour ces choses-là. Tandis que, à un moment donné, pour réellement avancer pour vrai, il va falloir arrêter d'avoir peur du vide. Il faut se mettre les pieds dans le vide. Là, ça devient, c'est du sport. C'est du sport. C'est pour ça que je considère que pour du monde, par exemple, déjà vulnérable, comme des schizophrènes, des psychotiques, c'est peut-être pas la bonne approche parce que leur. Comment je pourrais dire ça? C'est déjà un mécanisme de défense un peu du réel, leur pathologie. C'est pas en les garrochant dans le réel qu'on va les aider nécessairement. Donc, c'est à faire attention. Donc, allô, le réel est. En fait, c'est ce que l'on voit. Est-ce là? Ben, c'est quelque chose qui se voit, mais qui ne se pense pas. Mais on peut voir de l'irréel. Ça dépend de ce que vous voyez ou vous regardez. Parce que l'ego, s'il est opaque, il sert d'écran pour des projections. Ça, c'est avec le temps que j'ai fini par constater qu'il y a ce phénomène-là. Donc, bon, ça dépend le genre d'ego, le genre de mémoire, le genre d'expérimental. Donc, pourquoi si peu de monde forme un couple quand on est conscient? Ben, moi, je ne sais pas. Il y en a du monde conscient qui sont en couple. Mais c'est tout le temps la personne la plus consciente dans le couple qui souffre le plus. Parce qu'il faut qu'il prenne l'autre un peu sur lui. Ça devient tannant. Mais c'est pas grave, il y a moyen de moyenner. Donc, pourquoi les gens s'intéressent au supramental? Parce que souvent, c'est par avoir ils ont été déçus par le reste. Ou bien ça leur tombe dessus. Des fois, c'est l'on dirait, c'est le supramental qui s'intéresse à eux. Parce que le supramental parle du réel. Pas nécessairement. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ce milieu-là que moi, je considère comme. C'est n'importe quoi. Donc, bon. Il y en a que c'est par attrait du merveilleux, parce que c'est merveilleux. Supramental, c'est de l'intelligence au-delà de l'intellect. Ça est en contact avec l'intelligence qui vient pas de l'intellect. Puis ça, ben, c'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Dans le sens, il faut être capable d'exercer une parole spontanément pour le constater. Il y a des choses que si je les avais pas dites, je les aurais jamais su. Je les savais, mais pas au niveau de mon ego intellectuel. Donc, il a fallu que c'est avec l'exercice de la parole, là, j'ai pu donner des formes. Parce que c'est au-delà de la forme, ces affaires-là. Donc, là, ça devient. Moi, je trouve que c'est un milieu dangereux. Vraiment. Vraiment, vraiment. Donc, c'est pour ça que je fais attention le plus possible. Les multiples traumatismes de l'enfance amènent souvent un stress post-traumatique chronique et la dissociation s'en mêle. Je le vis moi-même et essaie de l'observer. Oui, c'est par la vue, hein, que ça se défait. Un programme, pour déconstruire un programme, c'est par l'observation. Si vous le voyez, ça ne pourra pas agir de la même façon. C'est un peu comme si vous jouez un morceau de piano, puis que vous ne vous laissez pas jouer le morceau de piano, puis que vous avez un stress de mal performer, puis que vous vous observez, vous avez du trac, vous ne serez pas capable de le jouer. Vous allez faire des fausses notes. C'est la même chose, les programmes. C'est-à-dire qu'un programme qui est nuisible, il vaut mieux pas bien le jouer, hein. Donc, plus vous allez l'observer, plus il va se défragmenter. Puis, c'est avec la répétition que vous allez pouvoir déprogrammer. Donc, c'est aussi simple que ça, là. Le réel, ce n'est pas ce que l'on voit, mais comment on voit. Le réel est en dehors de la vue. Le réel, là, ça englobe les réalités. Parce que ce qui est vu, ça va être des réalités. C'est-à-dire que le réel, il est en dehors de votre vue, là. Il est agissant en dehors de votre subjectivité. Donc, dépendamment de comment on voit, vous pouvez là, tout d'un coup, des fois, en arracher un peu de réel. Ou bien défaire un peu d'irréel, puis le voir plus loin. En tout cas, Corinne, l'observation nous libère pas mal des concepts auxquels on s'est accroché consciemment ou pas. Pour moi, ça a tout changé à l'intérieur quand je me suis positionnée en observatrice. J'ai pu me dépolluer, oui. C'est là que devient important ce qu'on a appelé le surmental, qui va être un point d'observation. C'est-à-dire, l'intellect ne peut pas s'observer lui-même objectivement, c'est impossible. De la même façon, l'ego ne peut pas s'observer à travers lui-même, c'est impossible. C'est pour ça que ça prend quelque chose de méta. Puis, pour ça, faut être capable d'entrer dans ce qu'on pourrait appeler des états de dépersonnalisation. Pour l'observation multidimensionnelle, la vraie commence là. Mais on ne peut pas vivre tout le temps comme ça, c'est impossible. Mais c'est par la répétition. Puis là, ça devient complexe. Ça devient complexe parce qu'on intellectualise les phénomènes. Mais il reste que le surmental, ce n'est pas intellectuel. Donc, bon, l'intérêt pour le supramental, c'est personnel. Ça n'a pas le choix. Tout le temps personnel, l'intérêt. Hein? Oui, c'est vrai, lorsque votre parole vous apprend des choses, là, vous comprenez qu'il y a quelque chose à changer en vous. Ouais, ben, c'est un exercice. Ça fait vraiment une pratique, hein? C'est pour ça que la théorie, parce que il y en a, ils vont écouter pendant 40 ans des conférenciers, ils ont fait des séminaires avec Bernard, mais il n'y a pas d'intégration. Il n'y a pas d'intégration parce qu'il n'y a pas la pratique. Il n'y a pas la pratique. Puis moi, j'ai tout le temps déconseillé aux gens de parler de ces choses-là avec leurs proches. C'est pour ça que, comme ce que je fais là, Internet peut se trouver une utilité parce que tout d'un coup, je peux exercer ma parole sans semer le trouble autour de moi. Parce que parler de conscience avec ses proches, souvent, ça nuit. Mais si vous intégrez au niveau de vos agissements, les choses vont se coordonner autour de vous. Et vous allez moins porter justement, vous allez parler moins. Il va y avoir moins de débats, puis bon. Parce que c'est des choses qui choquent, hein. Donc, bon. Mais moi, je vais tout le temps avoir eu le même discours par rapport à ça. Au niveau de votre quotidien, puis votre vie de tous les jours, c'est justement la conscience. Au niveau de vos proches, de tout le temps, se focusser sur ce qui est vraiment le primordial. Être en santé, physique, financière, être ordonné, vivre dans un environnement sain. C'est des choses comme ça, là. Pour le reste, parler de conscience, pas la place, là, avec vos proches. Parce que ça va juste faire des conflits. Puis le supramental, il n'y a pas de prosélytisme à faire autour de vous, là. Vous allez faire vide autour de vous, les gens vont vous fuir, ça va créer des conflits. Mais c'est compliqué parce qu'au début, quand on commence à intégrer, on pense qu'on l'a trouvé l'affaire et qu'on a envie d'en parler avec tout le monde. C'est à éviter. Ce n'est pas des choses qui servent à socialiser autour de vous, là. C'est des sujets qu'il faut éviter dans la vie de tous les jours. On ne parle pas de ça. Donc, c'est pour ça que l'Internet devient intéressant. Mais il reste que, au niveau de la pratique dans la vie de tous les jours, ça va être l'observation. L'observation, puis essayer justement de ne pas se laisser embarquer dans des programmes. Les vieux programmes qui vont tout le temps chercher à se renouveler, à se répéter. C'est par la répétition que ça s'est ancré. Puis c'est dans l'âme, dans votre mémoire expérimentale, puis ça va chercher à tout le temps se renouveler. C'est par l'observation qu'à un moment donné, vous allez empêcher des programmes. Donc, elle est là, la pratique dans la vie de tous les jours. Mais au niveau de la parole, on ne peut pas se mettre à exercer ça dans la vie de tous les jours, comme avec vos collègues de bureau, des choses comme ça. Vous allez perdre votre emploi, vous allez avoir des problèmes. Puis, vous risquez d'avoir des gens de votre famille qui ne vous parlent pas, qui ne veulent plus vous voir. C'est sûr, parce que c'est des sujets qui engendrent des chocs. Bon, donc, c'est pour ça que je vais tout le temps avoir amené les gens du terre à terre, avoir les pieds sur terre. C'est le concret qui est important. Le reste, là, c'est... Et merci pour ton retour. Ah, ben, de rien. Vous oubliez l'auto-conscience. Ben, là, ça dépend. La conscience, tout le temps, auto. La conscience est toujours consciente d'elle-même, pas toujours. Oh là, oui, mais ça dépend de quoi on parle. Parce que il y a la conscience, puis il y a la conscience. Il y a de l'inconscience qui se fait passer pour de la conscience. Prenez ce qu'on appelle la conscience collective ou la conscience, c'est de l'inconscience. C'est de l'inconscience. Pourtant, on appelle ça de la conscience. L'état de tous les jours qu'on appelle l'état conscient, là, quand vous êtes réveillé, là. Souvent, c'est un état onirique, un petit peu moins onirique. Mais c'est de l'inconscience, pareil. On va dire quelqu'un quand il est à l'état de veille, mais il n'est pas nécessairement conscient. Et c'est plein de monde. C'est plein de monde. Ils sont sur le pilote automatique, ils ne sont pas dans le réel. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Donc, bon, il y a conscience, puis il y a conscience. C'est plein de monde inconscient. Qu'est-ce qui fait que, bon, même les gens, ils souffrent de leur conscience. La conscience, c'est pour ça qu'on remarque, par exemple, les alcooliques. Plus le QI est élevé, plus la personne a des chances d'être alcoolique. Pourquoi? Parce que de l'intelligence et de la conscience, ce n'est pas nécessairement pareil. Il y a moyen d'être très, très intelligent, très, très inconscient. Donc, il y a conscience, puis il y a conscience. C'est pas pire. Pourquoi? Comme de parler de la pandémie dans une famille, ça fait de la merde. Ouais, c'est pour ça que moi, j'en parle pas. Puis, vous savez, sans dire un mot, des gens autour de moi se sont mis à réveiller tout seul. Mais ça, c'est le vibratoire. Mais j'ai pas eu à convaincre personne, mais les gens qui sont les plus près de moi se sont rendus compte par eux-mêmes. J'ai pas eu à convaincre personne ni à en parler. Ça, c'est la vibration, c'est le vibratoire. C'est pour ça que ma conjointe, pendant la pandémie, elle ne comprenait pas pourquoi je n'essayais pas de réveiller les gens autour de moi. Puis je disais, si j'essaie de faire ça, je vais renforcer la programmation, ça va avoir l'effet contraire. Donc, je ne disais rien, puis je laissais les gens parler. J'ai une de mes tantes qui a tout fait pour... nous convaincre de se faire vacciner. Puis moi, je n'ai jamais dit que je ne l'étais pas. Elle devait le savoir par intuition. Mais je la laissais faire. Je ne m'astinais pas avec. Aujourd'hui, là, elle a plein de problèmes. Elle a des espèces de douleurs dans les jambes, possible à au niveau de ses intestins, comment qu'ils appellent ça, là, des verticulites, là, je ne sais pas trop. Puis bon. Ben oui, mais là. C'est à elle d'allumer. Moi, je ne suis pas responsable de son expérience. Mais elle se pensait responsable de la mienne. Elle se pense consciente. Bon, c'est comme ça. Là, c'est là que cela se passe. De quelle conscience avons-nous besoin? Bon, ben, le monde, des fois, ils ont besoin de vivre leur inconscience. C'est comme ça qu'il va se créer une conscience. Il y en a, ils n'ont pas assez souffert encore. C'est par de la souffrance de leur inconscience qu'ils vont intégrer. Et que ça, là, ça passe par l'expérimental. Donc, bon, ça fait 7 ans que j'ai eu contact avec le supramental, avec BDM. Depuis, j'ai fait un travail de dépollution. Voilà un mois environ, j'ai fait une intégration. C'est drastique et c'est effectif immédiatement. Oui, souvent. Il y a d'autres choses, par contre, c'est plus long. C'est comme ce que lui, il avait appelé l'initiation solaire. Ça prend un minimum 25 ans. À ce qu'on m'a dit, là. Moi, j'ai. Vous savez que j'en ai voulu parce que Bernard de Montréal, moi, je l'ai entendu parler, puis j'ai eu contact avec cette vibration-là quand j'étais enfant. J'en ai voulu à mon entourage. Je leur en veux encore. Avoir su, jamais j'aurais préféré être inconscient. Pour ça, ça ne peut pas être un choix de l'ego, parce que je préférerais bien mieux pas avoir jamais eu connaissance de tout ça. J'aurais bien moins souffert. Puis oui, je leur en veux encore. C'est pour ça que je dis au monde, parlez pas de ça à vos enfants. Voyons, là. Laissez-les vivre leur enfant. Dans le sens que même ceux qui ont aidé Bernard à s'introduire au public, des fois, j'ai de la colère contre eux autres. Je veux dire, le supramental, pas besoin de. C'est quelque chose qui va finir par se faire. Dans le sens que la subjectivité de l'intellect, on n'aura pas le choix, moi, à un moment donné, de s'en rendre compte. Pas besoin de passer à travers tous ces processus-là. Ouf, de la sagesse, je n'avais pas compris. Je demeure l'affirmer durant la pandémie. Ben, c'est pour ça, moi, j'ai eu aucune chicane avec personne par rapport à ça. Il y a l'intellectualisation et l'intelligence, deux mondes distincts. Ouais, mais c'est parce que, moi, à mes yeux, l'intelligence puis la conscience, c'est vraiment pas le même phénomène. Parce que la conscience, c'est intégral. L'intelligence, pas nécessairement. Bonjour, Berthold. OK. Ah, bonjour, Marie-Jeanne. Oh, ça fait du bien de t'entendre, t'imagines même pas. C'est une belle chance d'avoir accès à un genre d'échange. Ben, merci à vous. Je veux dire, s'il n'y avait personne, je pourrais pas l'exercer, ma parole. Puis bon, ça a restreint bien plus. L'air de rien, ça fait 8 ans que je parle au public. Puis bon, je fais mon possible pour pas être. Moi, j'ai pas envie de. Bon, moi, le spotlight, c'est pas mon fort, là. On est mieux dans l'ombre. Hein? Ça germe mieux, les semences germent mieux dans l'ombre. Et oui, je suis seul avec ça. Je ne peux pas partager ceci avec personne. Ben, à un moment donné, on se rend compte qu'il y a un piège de vouloir partager. Au niveau d'une pratique, oui, c'est important d'avoir des échanges puis tout, mais ça ne peut pas être dans la vie de tous les jours. Il faut qu'il y ait un cloisonnement là, à ce niveau-là. Parce que sinon, ben, on se nuit et on ne s'en rend pas compte, puis on est au monde autour. C'est pour ça, moi, le monde autour de moi, je ne parle pas de ça jamais. Il faut 20 ans pour faire un druide. Ouais. Moi, les druides, bon, je ne suis pas fort là-dessus. Hein? Corinne, c'est possible de traverser une initiation pendant 10 ou 15 ans avant d'en prendre connaissance ou conscience. Oui. Ben oui. Souvent, l'initiation, là, on se rend compte qu'on en a eu une quand elle est finie. Donc, il y a plein de gens vex dans mes cours qui commencent à avoir beaucoup de soucis de santé. Contenir ça et d'être témoin de cette souffrance moi-même fait souffrir l'impuissance que cela fait vivre. Ouais. Puis le pire, c'est qu'on ne peut pas prendre l'expérimental des autres sur soi. C'est pour ça qu'il y a un piège là. Oui, des fois c'est difficile. Ça fait combien de personnes là, que j'ai vu mourir? Mon beau-père, lui, il en a fait des acérés, là. Il en est mort. Puis il est devenu complètement impotent. Puis ça ne me donnerait rien de m'en vouloir de ne pas l'avoir prévenu. Parce que ça, c'est la job de l'esprit de la personne. Ça, c'est sa programmation, c'est sa façon de contact, d'avertir par en dedans. Parce que moi, même des années avant qu'il y ait tout ça, J'en parlais sans le savoir. J'avais fait un montage, le tango des hommes, puis je mettais tout dedans. Il y avait tout dedans. Puis quand c'est arrivé, ça, puis même pas longtemps avant, j'avais eu une entrevue avec David Lévesque, j'avais dit, il s'en vient quelque chose, ça se sent. Puis quand c'est arrivé, j'ai su tout de suite c'était quoi. Puis j'ai pas embarqué. Mais on peut pas prendre ça au niveau de notre responsabilité, l'expérimental des autres, c'est impossible. C'est impossible. Puis on n'est pas responsable dans le sens qu'on n'a pas à vivre de culpabilité non plus. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, dans le fond? On est responsable de nous-mêmes. On peut pas. Les gens, là, plus on essaye de les convaincre ou de les aider, des fois, plus on leur nuit. Ça, j'ai vu ça dans le communautaire. Des fois, j'essayais d'aider quelqu'un, puis il s'enfonçait comme si c'était des mécanismes de défense. Donc, j'ai arrêté d'aider le monde. Puis je me suis rendu compte que c'était plus efficace. C'était plus efficace. Juste par la présence, quelqu'un qui est une vibration assez haute, juste par sa présence, les autres, ça a un effet. C'est là que j'ai commencé à comprendre pourquoi les premiers taoïstes, ils disaient, le sage, il enseigne en fermant sa gueule, il dit rien. Puis il fait rien. Pourtant, tout est accompli. Tout s'accomplit. OK. J'ai essayé plusieurs fois d'écouter BDM, mais j'ai du mal avec sa voix et sa façon de parler. J'accroche pas. C'est grave. Non. C'est parce qu'il y a différentes phases, Bernard de Montréal. Puis bon, il n'y a pas la même vibration d'une fois à l'autre. Donc, ça dépend. Ça dépend de quel Bernard vous parlez. Il y en a plusieurs. 8 ans. De retard. Bon, ben. Moi, j'ai peut-être été discret. Donc, vous faites bien, merci Barbara de rien. J'ai écrit un message de cela, mais dit, votre message est trop long, ça se peut-tu? Je ne le sais pas. Aucune idée. Angélique, oui, il y a une limite de 200 caractères. Salut Marie-Jeanne. Didier, oui, mais le problème commence quand quelqu'un vous demande de l'aide. Que faites-vous? Ben, vous pouvez donner votre opinion. Des fois, c'est juste ça. Mais le problème, c'est qu'il y en a, c'est des vampires. Dans le sens, j'en ai connu. J'ai connu un jeune couple. Je les ai tellement aidés. Puis après 2 ans, il est encore tout le temps dans la marde. 2 ans, les aider. Je leur ai même fourni leur vaisselle. Je les ai aidés à payer leur loyer. Puis après 2 ans, il est encore dans la merde. Ton son est coupé. Ah ouais. Êtes-vous sûr? J'ai plus de son. Êtes-vous sûr? Bonjour, j'arrive un peu tard. Bon, est-ce que j'ai du son? Oui, il y a des vents. Bon, je dois avoir du son, le monde m'entend. C'est votre son à vous qui est coupé. Donc, ben oui. Puis finalement, après 2 ans, je me suis tanné. Je me suis tanné. La dernière affaire que je lui aurais payée, c'est un billet d'autobus pour s'en aller. C'est la meilleure aide que je pouvais leur donner. C'était pas leur place ici. Des gens comme eux autres, il faut qu'ils vivent dans des grands centres. Ils ne peuvent pas, ils n'auraient pas pu survivre tout seuls ici. Donc, bon. Le son est bon. Bon, il me semblait. Non, c'est peut-être que c'est M. Simpson qui a des problèmes de son. Ou bien c'est du trollage. Mona, non, le son est OK. Bon, OK. Donc, je vais devoir cesser bientôt, là, ça fait 1 heure. Puis, bon. Mais c'est juste ça, c'est de revenir à du terre à terre. Du terre à terre. Puis, au niveau de d'être disponible, au niveau de votre intuition. Puis, quand il y a un réel danger, vous allez le savoir. Vous allez le savoir, puis vous allez faire le bon move quand c'est le temps. C'est simple, là. Moins l'esprit est encombré. Puis plus ça va vite. C'est un peu un véhicule, ce qu'on appelle le moi, là. C'est un petit peu un véhicule. Donc, moins il est encombré, plus ça va vite. Vous allez voir d'avance, même des choses. Vous allez le sentir. Ça peut vous sauver la vie. Ça, c'en est. Il y en a, on dirait, sont programmés pour mourir. Mais si vous réussissez à faire éclater cette programmation-là, vous allez vous sauver in extremis. Là, vous sautez d'une programmation à une autre. Donc, alors justement, quand on ne répond pas à la demande et on commence à vraiment les aider, vous voyez souvent, quand j'ai pas eu le temps de le lire, là, Monsieur Simpson, j'imagine que c'est un pseudonyme, mais, ah ben de rien, Corinne, je veux vraiment, ben, ça, je l'ai vu dans le communautaire. Ben, j'ai été plus idéaliste, plus jeune, puis je voulais aider les gens. J'ai été déçu. J'ai été déçu. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme ça, le milieu communautaire. C'est-à-dire que des gens dans des CA qui se votent des salaires puis qui vivent de la misère des autres. Je ne m'attendais pas à ça. Puis de voir que les organismes se battaient entre eux comme des chiens pour un steak. Je ne m'attendais pas à ça. Vraiment pas. Puis c'est là que je me suis rendu compte. C'est des loups. C'est des loups déguisés en moutons. Ils n'aidaient pas les gens. Ils les gardaient dépendants à l'organisme pour justifier des budgets puis des subventions. Puis en plus, même un de ces organismes-là, c'était une religieuse. C'était une religieuse qui était à la tête de ça. Puis je vais être franc avec vous, c'était quasiment le diable en personne, cette femme-là. Les gens qui collaboraient avec elle, il y en a, ils finissaient en thérapie. Tout était chantage affectif avec elle, tout le temps. Ça m'a dégoûté du communautaire. J'ai arrêté d'aider le monde, j'étais plus capable, je me disais, on leur nuit. On leur nuit. On essayait tout le temps de confirmer les gens dans leur programmation de merde au lieu de les aider à sortir de ça. J'ai vu un organisme qui aidait des jeunes à faire des CV pour se trouver un emploi. Il y en avait un, c'était un punk, là, un vrai punk, là, genre années 80, là. Et, oh, même avec l'odeur puis tout, là. Puis eux autres, ils disaient, ben, t'es correct, on t'accepte comme t'es, reste avec ta personnalité. Puis moi, je disais, non, non, apprenez-lui à agir autrement, il s'en trouvera jamais d'emploi. Puis non, moi, j'étais pas correct, je le jugeais, on me disait que je le jugeais. En tout cas, c'est dingue comme la simplicité est difficile d'accès. Ben, ouais. As-tu déjà fait une vidéo sur les djinns? Ben, à un moment donné, j'ai parlé d'êtres faits de feu sans fumée, qui vivent entre deux plans. J'en ai déjà parlé, mais là, ça, c'est de l'astral. C'est une forme d'astral qui est bien dense, mais bon. Oui, Corinne, la simplicité, difficile mécanique de l'astral complique. Ben oui, parce que l'astral, c'est intelligent, mais c'est pas conscient, justement. Donc, c'est mécanique. En tout cas, en même temps, je suis occupé. Bon, c'est correct. De toute façon, moi, je dois cesser. Pour ma part, quand c'est compliqué, c'est égal compliqué. Ben oui. Quand on s'est quitté le communautaire pour les mêmes raisons. Ben oui, on dirait que ça attire des gens. Bon. Ouais. C'est content d'attraper le directeur. Ah, ben bonjour, mais là, il va falloir que je sais. Non, non. Aider le monde, non, non. Les soigner, ouais. En autant qu'on ne se rend pas malade. Un punk, ça sent l'itinérance, ouais. Mais vous savez, quand vous les regardez comme il faut, leur idéologie, puis le mouvement, puis tout, c'est lié entre autres à des formes d'ésotérisme. Des affaires, moi, que j'ai tout le temps dit, tenez-vous loin de ça, c'est de la pensée dangereuse. Comme la doctrine de la magie du chaos, c'est lié au punk. Ben oui. Puis regardez-là, les punks, ils vous font pas penser à des ascètes. Ils vivent en ascète, c'est une forme d'ascétisme, être un punk. Est-ce qu'il n'y a pas là des vieilles choses qui se répètent? On a vu des punks nu-pieds, puis bon, il y a un petit côté Saint-François d'Assise, hein? Il aime les animaux, puis bon. Ouais, mais quand on aime réellement les animaux, c'est pas besoin de vivre avec des chiens comme Diogène de Sinope, là. En tout cas, dans les écoles, ils commencent un dépistage pour savoir si les enfants se qualifient pour recevoir du scellant sur les dents. Oh, ouais. Vous savez, moi, le moins de traitement possible, mes dents. Au niveau de l'esthétique, c'est sûr qu'il y en a qui ont les plus belles dents que moi, mais j'ai l'impression qu'ils ont le cerveau atteint. Merci, intéressant. Ah, ben, de rien. Merci Bertel, cet échange est intéressant. Encore une fois, passez une belle journée. Ben oui, ça devrait être. En plus, il fait beau. Je sais, j'en étais un. Ah oui. Ben oui, c'est une forme d'ascèse, hein? Moi, je le vois comme ça. Ça me fait penser un peu à Saint-François d'Assise. Encore une initiation astrale abominable. Abominable. Du monde, il aime tout le monde, mais il s'aime pas, on dirait. Bon, il ressent l'amour divin, mais oui, mais. Après, il y a des phénomènes d'idéoplastie, il y a des phénomènes de. Puis, il reçoit, comme Saint-François, c'est le premier qui aurait reçu des stigmates. Mais d'un point de vue historique, c'est pas normal qu'il y avait les trous là. Donc, il y a quelque chose d'idéoplastique, c'est lié à l'astral. Bon, je me source sur mon opinion, là. Ah, bonne journée. Ah, ben, bonne journée, Mona. Si vous refusez le traitement, vous devez remplir un formulaire, sinon il procède au dépistage d'un autre laboratoire. Ben oui. Ben oui. Oubliez jamais que. Ben, prenez la Chine. Là, on essaie de nous faire un boogeyman avec la Chine. Qui a financé les communistes en Chine? C'est l'Angleterre. C'est l'Angleterre. La guerre de l'opium, dans le temps des Qing, de Tsé-Hui, l'impératrice Tsé-Hui, l'ont perdu la guerre de l'opium. Puis c'est les Anglais, puis entre autres des financiers internationaux, qui mènent la Chine depuis longtemps. C'est eux autres qui ont financé le communisme parce qu'ils avaient besoin de, bon, d'un boogeyman. Le monde qui nous mène, puis qui font que c'est un laboratoire à ciel ouvert, le Québec, entre autres, puis tout. Qu'oubliez jamais, l'ennemi, il ne parle pas chinois, puis il ne parle pas russe, il parle anglais. Il parle allemand, il parle anglais, les Suisses, la finance internationale, ces affaires-là. On se trompe d'ennemis, là. Là, je suis pas en train de dire que les Anglais sont tous mauvais. Quand je parle de l'Angleterre, je parle pas le peuple. Pas de ça, je parle, là. J'ai rien contre les Anglais, la population. Mais le Québec, c'est quelle université. De plus triste mémoire, c'est les McGill. L'université McGill. Comme les orphelins de Duplessis, c'est pas juste Duplessis le problème. De toute façon, quand Duplessis est mort, ils ont fait des funérailles nationales, puis il y avait les gardes. Ils ont fait une procession avec en habit colonial anglais, puis toute la patente. On reconnaît un arbre à ses fruits. Prenez Duplessis, lui, il était ami quand il était enfant avec le frère André. Un autre qu'on a fait un saint. On a fait un saint. Le frère André, là, c'en est un, ça, qui avait subi des traumatismes d'enfance, puis qui avait beaucoup souffert, puis qui avait des troubles d'apprentissage. Il n'a jamais su écrire son nom. Ça lui prenait 5 à 10 minutes d'écrire son nom. Il était misogyne, il était bête, il était caractériel. Puis si vous faites une étude comme il faut du frère André, les recettes qu'il donnait, puis tout, c'est des remèdes de bonne femme, là. Comme, mettons, il y a une petite fille, elle a un problème, on peut penser que sa maladie de peau, c'est fongique, puis il dit à la mère, lavez-la avec de l'eau de vaisselle. Ben oui, c'est sûr que ça marche. C'est pour ça, moi, je vous dis, l'astral, c'est bien, bien subtil. Puis d'ailleurs, le monde qui vont à l'oratoire Saint-Joseph, est-ce qu'ils vont pour porter un culte à Saint-Joseph ou. Non, non, c'est pour le frère André. Aller voir le cœur dégueulasse qui flotte dans sa bouteille. C'est dégueulasse, c'est des dépeceurs de cadavres. Il y a quelque chose de nécrophile dans le catholicisme, moi, que je trouve dégueulasse. Ben, franchement, là, j'ai rien contre les catholiques, là. Mais moi, c'est l'astral. J'en ai contre l'astral. Il y en a de l'astral là-dedans. Bon, moi, je vais devoir y aller avant de dire trop d'affaires. Vous concentrer sur le processus révolutionnaire. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça. Moi, c'est plus l'évolutionnaire. Parce que le révolutionnaire, là, un révolutionnaire, ça tourne une révolution, ça tourne en rond. Un évolutionnaire, là, il y a une spirale, puis ça s'expande. Parce que révolutionnaire, on est dans l'involution. Connais-tu la cyclomancie? Ben, moi, je déconseille toutes les mancies. Toutes les mancies, parce que c'est des supports. La London School est le bureau, le berceau de pourriture, moi. Ah oui. Merci, toujours intéressant de vous entendre. Bon, ben, tant mieux. Merci pour le partage. Ah, ben, de rien. Bon, ben, bonne journée à vous. Puis, cassez-vous pas trop la tête. Hein? Des fois, c'est le temps, mais d'autres fois, là. Bon, ben, bonne journée à tous. Ah, Isia, merci de ta présence, tes paroles. Ah, bon, ben, merci surtout à Isia. Vraiment, là, c'est à moi de la remercier. Bonjour, Didier. Évolutionnaire. Ah, oui, c'est ça. Donc, ah, bon, ben, bonne journée, tout le monde.